Chapitre 4e. Le jeudi suivant, à 6h30, un camion de belle taille manœuvrait tant bien que mal pour se faire une petite place à côté de l'hôtel Chandron. On pouvait lire sur les portes avant gauche et droite l'inscription suivante, écrite en gros caractères multicolores: Quick Move, déménagement en tout genre. Trois débardeurs fumaient en silence debout sur le trottoir. À 7h05, Rulio et Roméo arrivaient sans se presser et s'arrêtaient devant le portail. Roméo chercha le regard des trois déménageurs et le trouva. Rulio sonna la grille qui s'ouvrit presque instantanément. Les deux hommes montèrent les marches du perron et entrèrent sans attendre qu'on les invite à le faire. À part la maîtresse de maison, il n'y avait personne dans l'hôtel et les deux acolytes pouvaient agir en toute tranquillité. Ils se rendirent directement dans le petit salon où ils avaient été reçus quelques jours plus tôt. Roméo avait reçu l'ordre de se faire le plus petit possible. Il constituait clairement le maillon faible de la chaîne. Rulio ne présentait pas mal du tout, avec son beau costume d'apparat et sa cravate bouffante où luisait une belle épingle d'or sertie d'un joli rubis. Amélie Chandron entra d'un pas assuré et s'installa dans son fauteuil de prédilection. Rulio s'assit devant elle tandis que Roméo se dirigeait nonchalamment vers la porte, coupant ainsi toute possibilité de retraite. Rulio cherchait l'olifant du regard mais ne le vit nulle part, dans l'imbroglio qui régnait dans la pièce. Il toussota d'un air gêné et se lança. « Chère Madame Chandron, malgré mon mépris des questions d'argent, qui n'ont pour moi aucune importance, je crois le moment venu de vous demander combien vous m'offrez pour cet objet unique. »« Absolument, absolument. Ah, ce pauvre Roland, mon Dieu, quel malheur, quelle perte pour le royaume. Et puis ce malheureux Olivier, quelle tragédie. » »« Oui, oui, bien sûr, mais tout cela, c'est de l'histoire ancienne. Je vous parle maintenant à faire, c'est pourtant bien clair. » Visiblement, la patience ne faisait pas partie des qualités prépondérantes du digne docteur. Il se pencha sur la vieille dame et annonça d'un ton où il n'y avait plus ni déférence ni respect. « Bon, on a assez joué au chat et à la souris. Combien ?» Amélie écarquait les yeux et montra des signes de panique. Roméo accourut à toutes jambes et la regarda de près. « Patron, elle va tourner de l'œil. Il va falloir faire un peu attention. » Rulio se leva précipitamment et remplit un verre d'eau sur un guéridon voisin. Il revint s'asseoir et tendit le breuvage à son hôtesse. « Avalez ça, ma bonne dame, ça va vous remettre. » Amélie prit le verre qu'on lui tendait et but avidement. Elle sourit et annonça. « Eh bien, ça va mieux. Vous m'avez fait peur. Bon, disons 200 €. » Les deux visiteurs se regardèrent en silence. Rulio laissa tomber. « Roméo, au travail. » Roméo s'avança vers le fauteuil de Madame Chandron et sortit de sa poche un objet allongé qu'il ouvrit. Il s'agissait d'un rasoir de coiffeur, comme on en voyait encore dans les vieux salons de banlieue. Il posa la pointe de l'objet sur la gorge de la veuve. Rulio demanda « Vous vous moquez de nous, ce me semble. Il va falloir ajouter au moins 3 € à la somme indiquée. Sinon, Roméo va devoir utiliser son rasoir, et je vous préviens, il sait s'en servir. » Amélie leva la main en signe de soumission. « Si vous le prenez sur ce ton, va pour 200 000, mais enlevez cette chose qui me fait froid dans le dos. » Roméo retira la main, mais Rulio lui fit signe de reposer la pointe du rasoir sur la glotte de la vieille dame. « Je vous félicite pour ce bel effort, mais cela ne suffit pas. Il me faut la clé du coffre-fort et le chiffre, sans quoi Roméo va appuyer. » Avec un sursaut de révolte, Amélie cria à plein poumon « Olifant !» Les deux hommes se regardèrent interloqués. Mais n'eurent guère le temps de réagir. Deux portes s'ouvraient simultanément et une demi-douzaine d'agents de police commandés par un jeune homme en civil firent irruption dans le salon et maîtrisèrent les deux malfaiteurs. L'homme en civil se présenta. « Commissaire Chandron, je vous arrête pour tentative de meurtre, vol qualifié, extorsion de fonds par la force et autres litiges spécifiés par le code pénal. Votre avocat pourra vous rendre visite dès demain. » Puis se tournant vers la vieille dame, « Dis donc, Mamélie, t'as bien joué ton rôle. » « T'as pas eu peur ? Je t'avoue que je n'ai pas l'habitude de me faire raser les poils du cou de cette façon, mais ça va. »« Mais comment as-tu eu l'idée de nous appeler ? Vois-tu, Guillaume, je ne suis pas né d'hier. Je reçois au moins une fois par semaine la visite d'amateurs de ce genre qui essaient de me faire gober des imitations pour de l'ancien, alors tu comprends. Mais là, ils ont exagéré. Le coup de Roland dans sa grotte funéraire, c'était trop fort de café. J'ai jeté leur cornemuse à la poubelle. » C'était un bout de plastique chinois dont on joue les soirs de fête chez les petits bourgeois. Dommage, une pièce à conviction de perdu. Enfin, Nous avons quand même le rasoir et le camion de déménagement avec les trois bandits. T'inquiète pas, tout ce beau monde est déjà en route pour le dépôt. » Le petit-fils d'Amélie et ses hommes emmenèrent leurs captifs et la maison revint à son calme habituel. Vers 11 heures, Amélie entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Elle appela « Bella, Bella, venez s'il vous plaît. » La dame de compagnie fit son entrée. « Madame n'est pas encore couchée ?»« Comme vous voyez, j'ai quelque chose d'amusant à vous raconter et quelque chose d'intéressant à vous montrer. » Elle raconta par le menu les événements de la soirée. À la fin de son récit, elle ouvrit le petit tiroir d'une table gigogne placée près d'elle et en sortit un petit objet étincelant. « Ma chère Bella, regardez ce que j'ai chopé sur la cravate de ce brigand. C'est pour vous. J'estime que vous pourrez en tirer au moins 2 ou 3 000 euros. Soyez gentil, après la vente. Veuillez gratifier Henri et Julie de 200 euros chacun et garder le reste pour vous. Vous l'avez bien mérité. Ah, j'oubliais. Demain matin, soyez assez aimable pour appeler l'archevêché de Saragosse et parlementer avec eux pour arriver à un accord amiable et discret concernant la restitution de l'olifant de Gaston de Béarn. Décidément, je n'ai pas la vocation ni le talent de la receleuse modèle. » C'est ainsi que s'achève l'olifant de Shmuel Retby.